Chaque restriction, chaque commandement, chaque exhortation de la part de Dieu est une expression de sa bonté envers nous. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. L'administration d'une discipline adéquate représente un défi de taille pour un parent aimant. En effet, son but est de protéger l'enfant du danger. Bien que ces mesures correctives puissent être déplaisantes à recevoir pour la jeune personne, elles sont motivées par l'intense amour du parent. Aujourd'hui, Charles Stanley nous rappelle que Dieu est le Père affectueux de chaque croyant. Nous avons donc trop d'importance à ses yeux pour qu'il nous laisse détruire nos vies avec le péché. Quand nous sortons des balises protectrices décrites dans sa parole, Dieu nous inflige une stricte discipline afin de nous ramener en lieu sûr. Et même si c'est douloureux, nous pouvons nous consoler à la pensée que Dieu exprime ainsi sa bonté envers nous. Voici Charles Stanley. D'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, nous pouvons lire des versets qui témoignent de la bonté de Dieu. Dans Exode, chapitre 33, verset 19, Moïse rapporte même que, quand Dieu est passé devant lui, il lui a révélé sa bonté. On se rappelle également le psaume 23, verset 6, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » La bonté de Dieu demeurera toujours. Et dans le Nouveau Testament, dans le 7e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, Jésus-Christ lui-même affirme que Dieu donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Retournons maintenant dans le psaume 31, verset 20. « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. » Relisons attentivement le début de ce verset. « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent !» Quand la Bible parle de crainte dans l'Ancien Testament, il ne s'agit pas d'une peur ou d'une terreur inspirée par Dieu, mais plutôt d'un respect qui inspire l'obéissance. Nous pourrions donc comprendre ce verset de la manière suivante. « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui t'obéissent !» Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, qui s'appuient sur toi, qui ont de la considération pour toi et qui te font confiance à la vue des fils de l'homme. Le psalmiste témoigne avec vigueur de la grande bonté de Dieu. J'aimerais particulièrement attirer votre attention sur deux aspects de la bonté de Dieu. Nous devrions premièrement penser à la bonté de Dieu comme un attribut. Or, si vous préférez, une caractéristique de Dieu. Car si vous décrivez Dieu, votre description ne pourra pas être complète avant d'y avoir inclus le fait que Dieu est bon, et même que ce Dieu est un Dieu rempli de bonté. Cette bonté exprime qui Dieu est et ce qu'il peut faire. Et si on demande jusqu'à quel point Dieu est bon, il est autant que la perfection, la sainteté, la pureté, la plus absolue peuvent l'être. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement bon, mais qu'il est la norme, la référence ultime de toute bonté. La bonté de Dieu est l'étalon par rapport auquel toute autre bonté doit être mesurée. Car Dieu seul possède une bonté parfaite. Il est lui-même absolument parfait dans tous ses aspects. Il est le seul à être absolument saint. En lui seul, donc, réside la norme parfaite de toute bonté. Nous pouvons donc conclure que, si Dieu nous présente quelque chose comme étant bon, cette chose est assurément bonne. Car Dieu lui-même est parfaitement bon. Il parle donc en connaissance de cause. Nous pouvons alors lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas toujours sa conception de la bonté. Car nous vivons parfois des situations douloureuses, pénibles, blessantes et éprouvantes, et nous nous posons la question, « Seigneur, où est ta bonté là-dedans ?» Selon notre point de vue limité, nous avons beau considérer la situation sous tous les angles imaginables, toute trace de bonté nous échappe. Or, Dieu seul peut définir la bonté, car la bonté est l'expression du caractère même et de la nature de Dieu. J'aimerais cependant spécifier que Dieu permet certaines choses qui ne paraissent pas forcément bonnes à première vue. Il faut bien comprendre que Dieu ne suscite pas des choses méchantes et viles, car elles sont la conséquence du péché dans le monde. Cependant, elles peuvent se produire parce que Dieu les permet. Et nous réagissons à ces choses en nous disant « ce n'était vraiment pas bien ». Prenons par exemple, tiré de l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 16, Corée à la tête de 250 Lévites qui se soulèvent contre Moïse. Ces gens se rebellent contre Moïse et tentent de prendre le contrôle du peuple d'Israël. Devant cette contestation de son autorité, Moïse réplique ainsi. Voici ce que nous allons faire. Rencontrons-nous demain matin et laissons Dieu décider qui est saint et qui ne l'est pas. Le lendemain, le jugement de Dieu éclata contre les rebelles. Corée et ses deux principaux complices, Dathan et Abiram, sont engloutis par la terre avec toute leur maison, là où ils se tenaient. Quant aux 250 Lévites, ils sont consumés par le feu de l'Éternel au moment où ils brûlaient des parfums pour tenter de lui plaire. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une chose terrible. Or, était-ce vraiment mauvais? Cette question mérite réflexion. Avons-nous devant nous un Dieu qui a cessé d'être bon en exterminant miraculeusement plus de 250 hommes parce qu'ils s'étaient rebellés contre lui? Était-ce une mauvaise chose? Ou avons-nous là une autre preuve de la bonté de Dieu s'exprimant par un grand nettoyage? Car s'il avait permis à ces quelques centaines de rebelles de continuer leur projet, ces derniers auraient provoqué une division dans la nation d'Israël. Et le peuple ne serait jamais sorti du désert parce qu'ils étaient rebelles. Israël aurait refusé de suivre son Dieu parce qu'il avait refusé de suivre son représentant, Moïse. Dieu a donc dû faire le ménage en exterminant tous ces hommes. Bien sûr, l'événement était tragique en soi, mais il s'agissait d'un péché très grave. Et Dieu, étant rempli de bonté, savait qu'il valait mieux exterminer ces quelques 250 hommes avant qu'ils n'empoisonnent et détruisent toute la nation d'Israël. Mais comment pouvons-nous prétendre que cette action était bonne quand nous pensons que non seulement ces hommes, mais également leurs maisons, leurs femmes et leurs enfants ont péri sous le coup de la fureur de l'Éternel? Parce que, dans sa sagesse, Dieu connaissait les conséquences du poison de la rébellion. Car toute rébellion, qu'elle soit dans une maison, une église ou une société, conduit à l'anarchie et à l'ultime destruction. Et quand nous examinons le destin de Corée et de son groupe en nous demandant si c'était une bonne chose, nous pouvons dire que, selon la perspective de Dieu, c'était sûrement une bonne chose. De la même façon, quand nous contemplons la croix de Jésus-Christ en nous demandant si c'était une bonne chose, nous pouvons également dire que, selon le point de vue de Dieu et son plan de rédemption pour l'humanité, il a accompli son objectif par le sacrifice de Jésus-Christ, même si cela paraît être un événement tragique et une injustice flagrante. Il s'agit d'un homme parfait, sans péché, qui est mort sur une croix. Dieu est bon. Rappelons-nous aussi l'enseignement de Romains chapitre 8, verset 28. Certains sujets sont délicats à aborder, mais la vérité doit être proclamée. Dans ce verset, l'apôtre Paul s'exclame « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il ne dit pas que toutes les choses sont bonnes et que tout ce qui nous arrive est bien, mais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais quand on regarde des épisodes comme celui de Corée, certaines personnes se demandent « Quel bien Dieu a-t-il pu tirer de tout cela ?» D'autres personnes s'interrogent sur le concept de jugement divin. Comment Dieu peut-il laisser de telles choses se produire s'il est un Dieu de bonté? Il laisse ces choses arriver parce qu'il peut transformer les événements les plus horribles et les plus scandaleux en bien. Israël a appris une terrible leçon avec Corée. Cette rébellion contre l'autorité divinement confirmée était tout à fait intolérable aux yeux de Dieu. Israël s'est rebellé plusieurs fois par la suite, et à chaque reprise, Dieu prononçait son jugement et corrigeait son peuple. Des gens mouraient, souffraient et avaient mal. Or, tout cela aurait pu leur être évité s'ils avaient obéi à Dieu. Si on se demande, était-ce vraiment une bonne chose? Nous devons nous rappeler que la discipline de Dieu s'exerçant sur ses enfants rebelles est un acte de bonté. Les actions du peuple n'étaient pas bonnes, soit, mais la réaction de Dieu à leurs actions est toujours bonne, car il est motivé par son amour et sa bonté. Étudions à présent l'enseignement sur le jugement dernier. Comment un Dieu bon peut-il juger les gens? Je vous répondrai par une autre question. Est-il juste, équitable et bien pour certaines personnes de se moquer de Dieu et de faire ce qu'elles veulent toute leur vie? Et quand tous paraîtront devant le Dieu Tout-Puissant, que tous recevront la même récompense, personne ne considère cela juste et bien. La bonté de Dieu s'exprime de la manière suivante. Quand Jésus est mort, Dieu le Père a placé l'entière dette de votre péché sur lui. En faisant cela, il pouvait faire de nous des enfants pardonnés. Dieu exprime sa bonté dans son jugement. En effet, lorsqu'un de ses enfants se présentera devant lui, il sera récompensé pour les bonnes choses qu'il aura faites dans sa vie et qui auront gagné l'approbation de Dieu. Or, nous ne serons pas punis pour nos mauvaises actions et nos péchés, car son Fils Jésus-Christ est déjà mort pour tous nos péchés, passés et à venir, si nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Au jugement dernier, Dieu ne nous parlera même pas de nos péchés. La seule perte que nous subirons, c'est la perte de récompense pour le mauvais usage de notre temps, de notre argent, de nos habiletés, de nos talents et de nos dons. C'est tout ce que nous perdrons, une partie de notre récompense, si nous avons mal utilisé ce que Dieu nous a donné. Or, nous serons récompensés en vertu de la bonté de Dieu. Il ne remettra pas devant nous nos mauvaises actions, mais il récompensera nos bonnes. Telle est la bonté de Dieu. Toutefois, il y aura un autre jugement, celui du grand trône blanc, où les âmes perdues qui auront refusé de croire en Jésus-Christ seront jugées. Elles seront toutes jetées en enfer pour l'éternité. Comment un Dieu bon peut-il permettre cela? Tout simplement parce que Dieu respecte la volonté de chaque personne. Il mettra une certaine pression sur une personne, il fera tout en son pouvoir divin afin d'influencer cette personne pour qu'elle le reçoive, l'aime et lui obéisse pour son propre bien. Or, Dieu ne fera entrer personne de force dans son ciel. Si une personne refuse d'obéir à Dieu, se moque de ses témoins et vit toute sa vie comme si Dieu n'existait pas, comment un Dieu de bonté lui imposera-t-il sa présence pour l'éternité? Pourquoi l'enfer existe-t-il si Dieu est bon? Parce que Dieu n'imposera pas sa pleine présence au ciel pour l'éternité à une personne qui détestait sa présence partielle ici-bas sur la terre. Quand une personne meurt, son caractère est coulé dans le béton, si l'on peut dire. Et si elle meurt en haïssant Dieu ou en croyant qu'il n'existe pas, même si elle a entendu ses enfants témoigner du contraire, elle ne commencera certainement pas à aimer Dieu après sa mort. Et il n'existe aucun verset biblique qui prétend le contraire. Quand une personne meurt, il n'y a pas de deuxième chance. Comme le dit Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une personne qui a entendu l'évangile de Jésus-Christ comme vous l'entendez présentement et qui le rejette n'obtiendra pas une autre chance après sa mort. Les gens qui rejettent Jésus-Christ délibérément et volontairement, tout en ayant entendu la vérité, passeront en jugement et subiront leur juste condamnation. Dieu aurait pu tous nous envoyer en enfer parce que nous sommes tous pécheurs, mais dans son amour et sa bonté, il nous donne une dernière chance en Jésus-Christ. À vous d'en profiter, si ce n'est pas déjà fait. Quand nous regardons la Bible, du point de vue de Dieu, tout y est bon. L'enfer est-il une bonne place? Bien sûr que non, mais l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons, selon Matthieu 24. Mais à cause de la rébellion de l'homme et de son péché, de son entêtement à défier Dieu, allant même parfois jusqu'à nier son existence, le pécheur s'est séparé de Dieu. Et si une personne insiste pour vivre séparée de Dieu sur la terre, elle vivra aussi séparée de lui pour l'éternité. Dieu ne la traînera pas de force au ciel contre son gré pour vivre avec ses enfants. Il exprime ainsi sa bonté pour son respect de la volonté de l'âme rebelle. Il est donc faux et irresponsable de prétendre que si Dieu est bon, l'enfer ne peut pas exister. Tournons maintenant dans l'Épître aux Hébreux. On y trouve une autre expression intéressante de la bonté de Dieu, mais sous un aspect différent. Si je vous demandais quelle est votre idée d'une bonne chose, vous énuméreriez sans doute des choses confortables, convenables, plaisantes, paisibles et profitables. Qu'en est-il de la douleur, de la souffrance et des blessures? Cela ne tombe-t-il pas dans cette catégorie, non? Cela m'aurait surpris. Toutefois, selon Dieu, elle tombe dans la catégorie des bonnes choses. Regardons Hébreux chapitre 12, versets 7 à 11, où il est question de la discipline de Dieu. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, Dieu le Père, pour avoir la vie? Nos pères terrestres nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Quand nous nous éloignons de la volonté de Dieu, il nous corrige. C'est une autre expression de la bonté de Dieu, car tout ce qui me pousse à la sainteté, à la paix et à la justice est bon pour moi, même si ça fait mal. Oui. Même si je suis éprouvé, oui. Et quand Dieu permet des choses que je n'aime pas et que j'aimerais pouvoir éviter et fuir, ces choses sont-elles bonnes? Oui. Car il est écrit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Nous devons alors comprendre que, derrière chaque douleur, blessure, tribulation et épreuve, un Dieu bon travaille pour le bien dans la vie du croyant. Et quand je suis en mesure d'accepter le fait qu'à ce moment, Dieu est bon, au lieu de le considérer méchant, sévère et exigeant, un changement se produit au niveau de ma pensée. Tournons-nous maintenant vers le domaine de la vie pratique et tournons en même temps dans le psaume 23. Nous y étudierons comment nous pouvons expérimenter l'amour et la bonté de Dieu envers nous. Je vous demande d'être sincère, franc et honnête en lisant ce psaume. Le Seigneur est mon berger. C'est très bien. Je ne manquerai de rien. Encore mieux. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous aimons tous entendre ces paroles, mais rendu au verset 5, notre intérêt diminue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous oublions parfois cette dernière partie du psaume, mais nous devons lire ce psaume comme le Seigneur l'a dicté. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Par ce passage, Dieu nous promet sa protection et son amour éternel. Il nous promet de répondre à tous nos besoins. Nous pouvons en être assurés. N'est-ce pas là une merveilleuse promesse de la part de Dieu? Si vous êtes un de ses enfants, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et encore, accompagnez ne rend pas toute la force de l'original hébreu. Il transmet plus l'idée de suivre et même poursuivre, de courir après. La bonté de Dieu nous poursuit tous les jours de notre vie. Dieu est présent en tout temps à nos côtés et il désire avec ferveur déverser sa bonté sur nous. Une bonté qui ne s'exprime pas seulement dans des circonstances plaisantes, aisées et confortables, mais également dans le labeur et dans l'épreuve. La bonté de Dieu nous poursuit, nous traque et nous court après tous les jours de notre vie. Nous avons un Dieu de bonté dont la grâce déverse avec abondance sur nous. Or, nous recherchons tellement le plaisir et fuyons tellement la souffrance que nous pouvons passer notre vie en disant « Dieu est bon envers certaines personnes, mais il semble m'avoir oublié. » C'est faux. Nous sommes très souvent à ce point enfermés dans notre propre conception de la bonté que nous sommes devenus insensibles aux bonnes choses que Dieu envoie dans notre vie. Ou alors, nous sommes à ce point absorbés par d'autres choses que nous ne voyons pas Dieu exprimer sa bonté envers nous. Et très souvent, si la bonté de Dieu s'exprime sous forme de circonstances douloureuses, de difficultés ou d'épreuves, nous ne l'interpréterons pas comme un acte de bonté de Dieu. Nous commencerons à nous plaindre et à râler, « Seigneur, si tu étais bon avec moi, tu ne me ferais pas cela, tu me rendrais la vie plus plaisante et plus facile. » Or, en réalité, Dieu est bon et toutes ses actions envers ses enfants sont bonnes. Nous devons simplement abandonner nos préconceptions sur la bonté de Dieu afin qu'il puisse nous enseigner ce qu'elle est vraiment. Les voies de Dieu, la perspective de Dieu ne sont pas les nôtres. Notre point de vue est limité, le sien ne l'est pas. Nous devons donc changer le nôtre pour le conformer au sien. Dieu ne changera pas sa manière de faire les choses car il est immuable par nature. Et toute personne qui essaie de manipuler Dieu et de le mettre en boîte vivra dans la souffrance et la frustration. Nous sommes donc en sécurité pour l'éternité avec Dieu. Car même si nous commettons le mal, Dieu exprimera sa bonté envers nous sous forme de discipline afin de nous protéger de nous-mêmes. La bonté de Dieu nous poursuivra, même si nous agissons d'une façon mauvaise et rebelle. Elle ne s'exprimera pas comme une bénédiction, mais elle attirera notre attention afin de nous protéger et de répondre à nos vrais besoins. Je dois admettre que plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû demander à Dieu son point de vue sur ma situation. Je n'aimais pas du tout ce qui m'arrivait. Et je me plaignais pour finalement le rechercher dans la prière, afin de lui demander ce qu'il voulait me faire comprendre avec cet épisode désagréable de ma vie. Et à chaque fois, j'en sortais revigoré, rassuré et le cœur plein de reconnaissance. « Merci Seigneur, merci beaucoup, je n'avais pas vu cela, tu as raison. » On pourrait penser qu'avec le temps, on prend l'habitude de se tourner vers Dieu dans la prière avant de râler quand les choses ne vont pas à notre goût. Or, nous ne le faisons pas et nous ne le ferons jamais, pas avant que Jésus ne revienne. C'est dans notre nature humaine de geindre. Toutefois, notre Dieu est un Dieu de bonté et toute la Bible témoigne de ce fait. Nous vivons en présence de la bonté de Dieu. Nous sommes à l'abri, sous le parapluie de la bonté de Dieu. J'aimerais vous proposer un petit exercice pratique. Vous pourrez le commencer dès demain matin, alors que vous serez encore au lit. Il s'agit de vous dire, dans votre cœur et dans vos propres mots, la pensée suivante. Père, je te remercie parce que tu me poursuivras aujourd'hui pour déverser ta bonté dans ma vie. Tu as promis que le bonheur et la grâce me poursuivraient tous les jours de ma vie. Et je sais qu'aujourd'hui, tu rechercheras des occasions de tenir ta promesse. En fait, tu les connais déjà. Tu exprimeras ta bonté envers moi aujourd'hui. Père, je veux marcher dans ta volonté aujourd'hui. Je veux être capable de repérer les expressions de ta bonté afin que ce soir, je passe du temps à te remercier et à te glorifier avant de retourner au lit. Or, D'ici là, je sais que je vivrai à l'abri de ta bonté. Je vous mets au défi de prendre cette habitude chaque matin, même quand vous ne vous sentez pas très bien. Ne laissez pas vos sentiments, mais la vérité guider votre plan de match pour la journée. Faites-en l'essai pendant 21 matins. Avant de vous lever, remerciez Dieu parce que vous vivrez dans sa bonté. Vous expérimenterez sa bonté. Vous rechercherez des expressions de sa bonté et vous le remercierez parce que vous avez passé votre journée à l'abri de sa bonté. Pendant 21 jours, votre façon de voir Dieu changera. Votre façon de voir les circonstances de votre vie changera. Bref, ce qui vous arrive, ce qui se produit dans votre cœur, tout changera. Car votre perspective de votre relation avec Dieu changera de l'intérieur. Ensuite, Dieu commencera à être capable d'exprimer sa bonté envers vous de plusieurs manières qui sont présentement hors de votre portée. Rappelez-vous le psaume 31, verset 20. Rappelez-vous des bontés que Dieu tient en réserve pour ceux qui lui obéissent. Vous désirez voir la bonté de Dieu dans votre vie? Obéissez-lui. Certaines personnes se plaignent de n'avoir pas eu de chance. Peut-être avez-vous préféré en faire à votre tête et vous devez maintenant vous réintégrer dans la volonté de Dieu en vous repentant et en obéissant. Soyez rassurés, Dieu ne vous décevra pas. Essayez cet exercice pratique et vous verrez la bonté de Dieu s'exprimer dans votre vie. Dieu nous poursuit de sa bonté. Même les circonstances difficiles et douloureuses de notre vie sont l'expression de ses soins aimants. Tentez l'expérience des 21 jours de Charles Stanley et vous commencerez à voir la bonté de Dieu tout autour de vous. Les psaumes débordent de proclamations de la bonté de Dieu. Écoutez le psaume 100, versets 3 à 5. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté envers ses enfants dure à toujours. Amen. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-6647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.